Toujours à l'occasion du jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président du comité permanent de Bosnie-Herzégovine, Bakir Izetbegović, a fait parvenir le 9 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu de bonnes relations d'amitié entre la Bosnie-Herzégovine et la République populaire démocratique de Corée pour la paix et la stabilité du monde, conformément aux intérêts des peuples de deux pays. Il lui a formulé son hommage le plus sublime et lui a souhaité et au peuple de la République populaire démocratique de Corée, bonheur.